Les trois quarts de l'eau douce de notre planète se trouvent au même endroit, gelée en Antarctique. La fonte de ces glaciers provoquerait une hausse sans précédent du niveau des mers et amplifierait dramatiquement le bouleversement climatique actuel. Or, si la partie ouest du continent montre d'inquiétants signes de réchauffement, la partie est, elle, semble encore protégée. Et pourtant, l'Antarctique n'est un continent de glace que depuis peu de temps. Au regard de l'histoire de notre planète, quelques dizaines de millions d'années, partons donc à la découverte de ce sixième continent, de sa structure géologique, météorologique, de sa flore et de sa faune, avant la grande débâcle. Antarctique, ça glace ou ça casse? C'est le programme Frisquet qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bah oui, on est assez content de ce titre finalement, comme me le suggère dans l'oreille notre technicien Jacques Hubert. Voilà, pour évoquer ce passé, ce présent et le devenir de l'Antarctique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Ritz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes glaciologue, directrice de recherche CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement à l'Université Grenoble-Alpes. Et nous sommes en ligne avec Yann Roland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en ligne depuis Chambéry. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Savoie, chercheur au laboratoire Editem pour environnement dynamique, territoire et montagne. Vous pouvez suivre cette émission, bien comme tous les jours, en direct sur les ondes radiophoniques, en différé via notre site franceculture.fr, en podcast sur votre application préférée et en parallèle, comme toujours, sur notre fil Twitter où nous postons tout au long de l'heure un certain nombre de liens vers les études pour compléter l'écoute de ce qui va être dit au cours de cette heure. Et pour commencer, eh bien impossible de parler de l'Antarctique sans évoquer le nom de nos héros polaires français. Écoutez cette archive de la radiodiffusion française. Nous sommes le 15 février 1947 et le commandant Charcot est sur le point de réitérer l'exploit de Jules Dumont-Durville un peu plus de 100 ans après. Le commandant Charcot vient d'arriver en vue de la Terre Adélie. Cette nouvelle sonnera pour beaucoup de gens comme un de ces faits divers énigmatiques dont on renonce a priori à pénétrer le sens. Elle représente cependant pour les Français un magnifique exemple de courage et de ténacité. Il y a en effet 101 ans, presque jour pour jour, que les deux corvettes françaises, l'Astrolabe et la Zélée, sous le commandement du capitaine de vaisseau Dumont-Durville, découvraient dans l'Antarctique une terre inconnue et en prenaient possession au nom de la France. Depuis cette lointaine époque, aucune mission nouvelle n'a été envoyée dans ces coins très lointains où règne pendant 10 mois sur 12 un mauvais temps continu, et où les tempêtes violentes mettent les navires en péril. C'est à l'initiative de M. Paul-Émile Victor qu'est due la mission entreprise aujourd'hui. Elle a pour but de mettre à terre un groupe d'explorateurs et de savants, dirigés par M. Lyotard, qui y demeureront jusqu'à la saison prochaine. Quant au commandant Charcot, c'est un navire en bois de 1050 tonnes. Spécialement aménagé pour sa croisière antarctique, il a donné jusqu'ici les preuves de ses excellentes qualités nautiques. Arrivé à Hobart, en Tasmanie, au début de janvier, il y a été malencontreusement retardé par une légère avarie. Ce retard, retard que les autorités de l'île ont largement contribué à diminuer, s'il s'était prolongé, eût pu compromettre définitivement la mission, car la saison d'été, la seule favorable au débarquement, ne dure que quelques semaines. Après ce délai, les vents d'est reprennent, et les banquises s'accumulent en masse compacte. Malheur à l'imprudent navire qui se laisserait encercler, il serait inévitablement bloqué, sinon broyé par les glaces. Et son équipage serait contraint d'hiverner sur la banquise. Voilà l'équipage du commandant Charcot qui va retourner en terre d'Adélie un peu plus de 100 ans après l'exploit de Jules Dumont-Durville sur l'Astrolabe et la Zélée. Une réaction peut-être, Catherine Ritz, à cette archive? Oh, c'est merveilleux de savoir que... de réentendre ça et de... Les noms des bateaux aussi, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de bases autour de l'Antarctique ou de glaciers qui portent le nom des bateaux. Et le glacier de l'Astrolabe et le glacier de la Zélée sont juste à côté de Dumont-Durville. Mais de la même façon, de la station Dumont-Durville, puisque c'est le nom de la station côtière. De la station Dumont-Durville. Mais il y a d'autres glaciers tout autour de l'Antarctique qui portent les noms de stations. Vostok et Mirny étaient aussi les deux premiers bateau russe à accoster, et c'est vraiment l'idée que les bateaux ont pu arriver dans des conditions qui sont pas faciles, qui devaient être encore beaucoup plus difficiles à l'époque, ça m'impressionne toujours. Yann Roland, votre réaction à cette archive? Oui, c'est assez fantastique de s'imaginer que ça fait pas longtemps qu'on a pu aller dans ces endroits, puisque au début du XXe siècle, ça représentait finalement des terres inaccessibles encore. Donc c'est pas loin de nous. Et c'est émouvant de voir cette histoire qui s'est écoulée. Il y a eu aussi beaucoup de drames, on pourra en reparler un peu plus tard, mais c'est vrai que on se rend compte combien c'est difficile d'aller dans ces régions. On a lancé cette émission pour plein de raisons, parce qu'il y a eu surtout un certain nombre de publications récemment, et notamment cette publication du mois de janvier selon laquelle la fonte des glaces antarctiques est 6 fois plus rapide qu'auparavant. Pour revenir de l'Antarctique et pour vous préparer en ce moment même un documentaire qui sera diffusé cet été sur les ondes de France Culture, il me semblait pourtant que une partie, tout du moins Catherine Ritz, de l'Antarctique était relativement protégée du réchauffement climatique. C'est plus le cas, c'est en train de cesser. La partie qui accélère, où l'écoulement accélère beaucoup et donc envoie beaucoup plus de glace vers l'océan, c'est surtout l'Antarctique de l'Ouest. Alors je veux préciser d'abord que l'Antarctique de l'Ouest, c'est pas l'Ouest de l'Antarctique. C'est l'Ouest de l'Antarctique, ça veut rien dire quand on est là-bas, et l'Ouest est... Mais puisqu'on le nord est au pôle partout. Sud, voilà, c'est ça. Mais l'Antarctique de l'Ouest et de l'Est sont séparés en fait par leur longitude. C'est comme si on regardait la carte qu'on regarde le plus souvent, c'est le méridien de Greenwich qui est vertical, et à gauche c'est l'Antarctique de l'Ouest. Du côté de l'Argentine, l'Antarctique de l'Ouest, et à droite, du côté de l'Australie. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, Yann Roland, effectivement, quand on parle de réchauffement climatique, alors on a beaucoup parlé aujourd'hui, hein, et dans cette émission, du réchauffement qui est plus fort au pôle qu'à l'équateur, du pôle Nord, de l'Arctique, de la banquise qui disparaît de façon dramatique au pôle Nord, la situation est plus contrastée au pôle Sud. Oui, donc en effet, hein, donc comme le disait Catherine, la péninsule antarctique qui est donc le prolongement de l'Antarctique du côté antarctique de l'Ouest, donc va jusqu'à des latitudes assez basses, donc là on voit des phénomènes d'accélération importants. Après, quand on va du côté de l'Antarctique de l'Est et donc en particulier dans la région finalement de la Terre Adélie, on est dans des latitudes qui sont beaucoup plus élevées et donc dans ces zones. Donc on pourra un petit peu en reparler par la suite. Bon, les dynamiques, effectivement, les dynamiques glaciaires sont un peu plus lentes. Et le type de glacier change. Hein, on est dans des glaciers qui sont à base froide. Donc effectivement, c'est la sensibilité au réchauffement est un petit peu moindre. Mais je pense que Catherine est plus à même de discuter sur l'évolution actuelle, en tout cas des masses glaciaires. On va revenir justement sur... on va déjà faire, dans une première partie, une sorte de topographie, de carte d'identité de l'Antarctique, de comprendre d'où vient ce continent qui n'a pas été toujours englacé, comme je le disais. Et puis on verra dans un second temps comment il réagit précisément aux bouleversements climatiques qui sont en cours. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10, nous parlons d'Antarctique tout au long de cette heure en compagnie de Catherine Ritz et de Yann Roland qui est en ligne avec nous depuis Chambéry. Bah justement, alors peut-être une petite carte d'identité de l'Antarctique, Catherine Ritz. Qu'est-ce que c'est que ce continent? Comment est-ce qu'on peut le définir? Alors c'est un continent qui est immense, qui fait quasiment 5000 par 5000 kilomètres et qui est presque essentiellement recouvert de glace, et l'épaisseur moyenne c'est 2,5 km, quelque chose comme ça. Ça veut dire que si on le regardait à l'échelle d'une pièce, ça serait une immense plaque de verglas de 5 mètres de large et 3 mm d'épaisseur. C'est vraiment quelque chose de très très plat. Et à Dumont-d'Urville, encore, on voit un petit peu la pente, mais à Concordia, où j'étais, là, c'est extrêmement plat, on dirait qu'on est en mer. Et pourtant, Concordia, c'est en altitude. On est à plus de 3300 mètres d'altitude. Oui, en effet, mais la pente s'élève doucement assez fortement depuis la côte. On atteint les 2000 mètres au bout de quelques dizaines de kilomètres, enfin une centaine de kilomètres. Et après, c'est extrêmement plat et la montée est quasi... C'est un grand, grand faux plat et on n'a pas l'impression... Quand on est au sommet, on voit On voit pas que c'est un sommet, pas du tout. Mmh. Oui, c'est très très, effectivement, c'est une de très grandes, de vastes plaines glacées. Un mot peut-être aussi, Yann Roland, qu'il est important de comprendre, c'est qu'effectivement, l'Antarctique, c'est une calotte glaciaire, c'est une calotte glaciaire d'eau douce pour la très large majorité, et c'est une calotte glaciaire à tel point que la croûte terrestre est parfois sous le niveau de la mer. Oui, alors tout à fait. Hein, sous la glace, il y a une croûte continentale qui est d'ailleurs d'une épaisseur assez importante puisqu'il s'agit de domaines de croûte continentale très anciens, donc qui peuvent faire jusqu'à 50 km, hein, donc pas loin de la Terre Adélie d'ailleurs, qui est une zone le cœur géologique de l'Antarctique. Et en fait, du fait du poids de cette masse de glace qui est de l'ordre de 2500 mètres d'épaisseur, eh bien, le continent s'est enfoncé, si bien que son altitude moyenne est à peine supérieure au niveau marin. Et il y a de grands, grands domaines de l'Antarctique qui sont légèrement en dessous du niveau de la mer. Quelles sont les températures moyennes en Antarctique? C'est le point le plus froid de la planète? Yann Roland. Oui, donc effectivement, c'est des températures qui se rapprochent finalement de celles qu'on pourrait trouver sur une planète comme la planète Mars, avec des hivers où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 80 degrés. Et donc en été, au cœur de l'Antarctique, au niveau de la base Concordia, il fait autour de moins 40. Donc ça, c'est pour les températures au cœur du continent. Après, quand on va sur les bords, on a des températures beaucoup plus douces, entre guillemets, puisqu'on se retrouverait dans des périodes comme en ce moment, qui correspondraient à peu près à la période la plus chaude, hein, à notre mois d'août. On a des températures qui sont proches de zéro au niveau de la base du Mont d'Urville. Donc voilà un peu pour le panorama des températures. Une autre caractéristique, Catherine Ritz, de ce continent, c'est, et paradoxalement là aussi, sa grande sécheresse. Il y a très très peu de précipitations en Antarctique. Ah oui, en effet, c'est le plus grand désert du monde, le plus sec désert, c'est plus sec que le Sahara. Je crois que la précipitation moyenne, c'est l'équivalent de 10 cm, c'est de l'ordre de 10 cm d'équivalent en eau par an. Ça dépend des endroits, mais c'est même moins que ça. Et dans le centre antarctique, ça descend à 2 cm. Concordia, c'est 2 cm. Ouais. Ouais. Et on comprend ça, c'est un phénomène météorologique assez qu'on comprend assez bien. Eh bien, d'abord, l'atmosphère contient de l'eau en fonction de sa température. Plus il fait froid et plus l'atmosphère est sèche. Donc ça ne laisse pas grand-chose pour transporter l'eau depuis la mer. Et en plus, au fur et à mesure que les masses d'air traversent l'Antarctique, elles précipitent, ce qui fait qu'elles s'assèchent de plus en plus. Et en arrivant au centre, à Concordia, je pense qu'il fait moins 40, moins 30 en été, et l'humidité moyenne est 65% dehors. Et Concordia, il faut préciser que donc, c'est la base franco-italienne qui est à 1100 km à l'intérieur des terres, sur cette surface qu'on appelle le dôme C, puisque c'était effectivement l'un des dômes que vous décriviez tout à l'heure. Peut-être un mot justement aussi, Yann Roland, sur la particularité météorologique de l'Antarctique, qui est que c'est le seul continent qui est totalement entouré d'un océan circulaire, et ça va jouer beaucoup pour déterminer, et peut-être aussi sur la résilience du climat de l'Antarctique. Oui, alors tout à fait, c'est vrai que la déconnexion de l'Antarctique est accentuée par la présence de l'océan austral qui, avec des courants circulaires, finalement isole l'Antarctique. Et donc, comme le disait très justement Catherine, il y a très peu de précipitations. Et donc ce qui va amener la neige au cœur du continent, finalement, c'est beaucoup la dynamique du vent. Et il y a aussi un autre facteur assez particulier à la région, c'est les vents katabatiques, qui sont des vents froids qui s'écoulent du centre du continent vers la mer, et qui sont des vents extrêmement forts, extrêmement violents, qui peuvent se déclencher à tout moment, on pourrait dire, et qui posent d'ailleurs problème aux géologues quand ils travaillent, parce que ces vents qui peuvent atteindre donc jusqu'à 300 km/h. Ce sont des phénomènes extrêmement violents, extrêmement soudains. Et voilà, donc il y a un phénomène de circulation de l'air froid par gravité du centre du continent vers l'extérieur, ce qui accentue d'autant plus son isolement du point de vue météorologique. Le record d'ailleurs de vent qui est abattu, c'est à Dumont-d'Urville qu'il a été enregistré, et il est de plus de 327 km/h. Quelle est la distinction qu'il faut faire aussi pour bien comprendre les enjeux, les interactions qui sont en jeu sur ce continent, entre ce qui constitue de la glace de mer et de la glace d'eau douce, Catherine Ritz, finalement, puisqu'il n'y a quasiment pas de précipitation, toute cette croûte de glace, cette calotte glaciaire, elle vient d'où? Alors, elle vient quand même des précipitations. Mais ça fait très longtemps que ça s'accumule. C'est juste ça. Ce qui va être intéressant pour le travail de glaciologue, puisqu'elle est quasiment... voilà, toute cette glace-là, elle va nous permettre de remonter le temps. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Mmh. Et en arrivant sur les bords, comme la forme a une forme un peu bombée, la glace coule sous l'effet de la gravité vers les bords. Et en arrivant vers les bords, comme la température, comme l'a dit Yann, c'est à peu près 0 degré en été, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fonte significative en Antarctique à la surface de la glace. Donc en fait, la glace arrive sur les bords et se met à flotter sur la mer. Et ça, c'est des plateformes de glace flottante qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Et à côté de ça... Ce sont les icebergs. Dont les icebergs. Quand ça se casse, ça fait des icebergs. À côté de ça, la mer peut geler. Et à ce moment-là, c'est de la glace qui est un peu salée. Moins salée que la mer, mais dans le processus, ça se dessale un petit peu. Mais la glace peut geler. Et ça, c'est la glace de mer avec des petites nuances sur la banquise. C'est un peu quand elle reste accrochée sur le bord. Et le pack, c'est quand c'est des plaques de glace qui se déplacent en groupe, en s'entrechoquant, en se séparant. Que dire justement peut-être Yann Roland à propos de la banquise? La banquise, alors on dit beaucoup, on entend beaucoup dire que sa surface réduit drastiquement, hein, puisqu'on a vu plein de schémas et tout le monde a certainement vu passer ces schémas de la banquise sur les 50-80 dernières années qui vraiment se font comme peau de chagrin. En Antarctique, la glace de mer, c'est plus compliqué que ça. Là par exemple, en ce moment, c'est très très bas, mais ça a été très très haut il y a quelques années à peine. Oui, alors c'est vrai que bon, moi j'ai la banquise, je l'ai surtout fréquentée par les missions en bateau ou en début d'été austral, on essaye d'accoster et on doit effectivement faire des grands détours pour accoster. Alors d'une année à l'autre, cette banquise fluctue. Ça va dépendre des courants, ça va dépendre du vent, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Mais c'est vrai que la surface de cette banquise a tendance à se réduire beaucoup. Bon, je suis pas spécialiste dans ce domaine, donc je pense que peut-être Catherine pourra répondre mieux que moi. Mais en tout cas, c'est clair que ce qu'on constate du point de vue des conditions de navigation, c'est que c'est assez fluctuant d'une année à l'autre, quoi. Catherine Ritz, sur justement cette emblaque et cette débâcle de banquise qui est très très irrégulière. Alors, jusqu'il y a 2 ans, la quantité de glace de mer augmentait en Antarctique et c'est un peu contre-intuitif avec le changement climatique. Et parmi les explications, il y avait le fait que la glace continentale, donc qui est douce, il y avait eu un afflux de glace ou de la fonte sous les parties flottantes et du coup ça rafraîchit l'eau, ça rafraîchit au sens, ça l'a rendu moins salée, et que ça a favorisé la glace de mer. Et puis depuis 2 ans, il y a un recul de la glace de mer, et là j'avoue que j'ai pas suivi les explications de... Elles sont encore, c'est encore très mystérieux, hein, sur ces variations de la glace de mer. Pour le moment, il n'y a pas d'explication très très nette. Peut-être un mot pour parler un peu cette fois-ci de géologie. On parlait de l'Antarctique de l'Ouest et de l'Antarctique de l'Est. Effectivement, quand on regarde une carte de l'Antarctique, il y a presque 2 morceaux. Il y a une énorme masse continentale qui est l'Antarctique de l'Est, et puis une plus petite masse continentale très très effilée qui remonte vers la pointe de l'Argentine, qui est l'Antarctique de l'Ouest. Ça veut dire qu'en termes de géologie, ce sont 2 continents distincts. Yann Roland? Oui, alors en effet, hein, l'Antarctique, c'est une mosaïque. Une mosaïque de blocs continentaux d'âge différent. Le cœur le plus vieux finalement de l'Antarctique, il correspond à la région de Terre Adélie, qui trouve son équivalent aussi en Australie, de l'autre côté de l'océan, puisque ces deux continents étaient séparés par l'océan Austral. Il y a à peu près depuis 90 millions d'années. Donc les roches qu'on trouve au cœur de l'Antarctique sont des roches qui datent de 2,5 milliards d'années. Donc il s'agit de roches de très haute température qui correspondent à la partie inférieure de la croûte et qui ont été remontées par des processus d'érosion. Donc ce domaine-là, on a travaillé dessus en détail sur la région de Terre Adélie quand on a fait la carte géologique. Cette zone est bordée par des domaines plus jeunes qui ont été accolés progressivement au cœur du continent qu'on appelle le craton, hein, cette zone centrale. Et donc quand on va du côté de la chaîne transantarctique, finalement qui coupe en deux l'Antarctique, on va vers des terrains qui sont plus jeunes. Donc on a pu montrer il y a quelques années que les terrains qui bordent la Terre Adélie vers le glacier de Mertz, ce qui est la limite finalement de la zone administrée par la France, là, cette région est caractérisée par des roches qui ont à peu près 500 millions d'années. Et puis ensuite, quand on va sur la bordure finalement de l'Antarctique, du côté Pacifique, on a dans la péninsule Antarctique, on a une région qui est active tectoniquement, il y a des volcans, il y a une zone de subduction qui va se prolonger après le long de l'Amérique latine. Et donc ces régions sont beaucoup plus jeunes au regard de l'Antarctique de l'Est. Elles ont été, elles sont toujours avec une activité volcanique d'ailleurs qu'on peut tracer même sous la glace par endroits. Et voilà, donc effectivement on a des reliefs, hein, on a une chaîne transantarctique qui dépasse de la calotte avec des montagnes qui atteignent les 5000 mètres quand même. Donc il dépasse significativement de la calotte. Et ça, c'est parce qu'on a une tectonique active dans cette région, alors que l'Antarctique de l'Est est une région qui est beaucoup plus ancienne. Et donc, si on va dans le cœur de ce domaine, eh bien, il n'y a quasiment plus aucune activité tectonique depuis 2 milliards d'années environ. Et ce qui est intéressant finalement, c'est que cette péninsule antarctique, en fait, c'est le prolongement de la cordillère des Andes, Catherine Ritz. Ça a l'air. On a l'impression qu'il y a une chaîne de montagnes qui fait les Rocheuses, la cordillère des Andes, et puis ensuite qui se prolonge même sur la péninsule et la chaîne transantarctique. En fait, il y a un petit zigzag, et puis ça, c'est quand on regarde une carte, c'est ce qu'on voit. Moi, je suis pas géologue, donc j'ai du mal à savoir exactement ce qu'il en est, mais c'est l'impression que ça donne. En tout cas, c'est magnifique à survoler. Yann Roland, sur le prolongement de la cordillère des Andes. Oui, tout à fait. Hein. Donc c'est depuis très longtemps, on va dire au cours de l'ère primaire, donc le paléozoïque, c'est-à-dire entre 500 et 300 millions d'années, il y avait une grande cordillère qui bordait l'Australie, l'Antarctique et l'Amérique latine. Et donc finalement, la chaîne transantarctique que l'on voit, c'est un héritage de cette grande chaîne cordillère. Qui demeure finalement active dans la péninsule antarctique encore, et puis dans le reste de la chaîne transantarctique, on a des mouvements qui peuvent être des mouvements tectoniques plutôt distensifs à l'heure actuelle, mais qui font remonter le manteau en dessous. Donc on a une activité notamment magmatique, volcanique, et il y a effectivement un héritage dans cette structure qui date du début de l'ère primaire. Notamment un volcan très très actif en Antarctique, là aussi ça peut paraître un peu contre-intuitif ou paradoxal, mais le mont Erebus est l'un des rares volcans qui a un lac magmatique toujours en fusion en son cœur sur l'île de Ross. Oui, donc tout à fait. Hein, donc c'est vrai qu'on a pas... Encore une fois, il n'y a que 1% de l'Antarctique qui affleure. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de volcans qui sont présents. Alors, mais aussi sous le continent. Et qui donc montrent une activité certaine, bien que, bien sûr, si on compare à d'autres régions comme... disons l'Amérique latine où il y a beaucoup moins d'activités magmatiques bien sûr en Antarctique. Alors comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, à l'échelle de la planète, l'Antarctique est un continent de glace finalement que d'assez peu longtemps, hein, puisque on estime que la glaciation remonte, je parle sous votre contrôle Antoine Beauchamp, à environ 40 millions d'années. Alors que la planète en a 4 milliards et demi. Justement, bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes. Vous êtes intéressé aux travaux qui cherchent à comprendre quand et surtout pourquoi l'Antarctique s'est englacé il y a donc environ 40 millions d'années. Oui, la chose n'est pas facile, parce que si l'Antarctique s'est couvert de glace, vous le disiez à l'instant, il y a environ 40 millions d'années, il n'y a toujours pas de réel consensus scientifique sur la raison de cette mise en glace. Je suis allé donc rencontrer Fabrice Minoletti, qui est géologue et spécialiste de paléoclimatologie à Sorbonne Université. Avec son équipe, Fabrice Minoletti scrute de près des fossiles d'algues, les cocos lithophores, qui pourraient nous renseigner sur ce qui a provoqué cette mise en glace de l'Antarctique. Et chose un peu contre-intuitive, il se pourrait bien qu'un réchauffement des eaux dans la zone intertropicale ait été le moteur de cette mise en glace. On travaille sur des sédiments. Les sédiments, c'est des roches qui se forment au fond des océans à plusieurs centaines ou milliers de mètres. Et elles s'accumulent en permanence. Donc ça veut dire que chaque couche a un âge précis et elle est formée dans des conditions climatiques données. Donc si on étudie plusieurs échantillons à une localité, ben, on a une évolution temporelle. Donc ensuite, il faut savoir que ces sédiments sont composés de fossiles. Alors bien sûr, c'est pas des huîtres et des ammonites, hein. C'est des fossiles de très petites dimensions, hein. Il y en a principalement deux types, qu'on appelle les foraminifères planctoniques, donc qui vivent dans les eaux de surface ou pas loin, et qui font des coquilles tout au long de leur cycle de vie. Donc ça, c'est en gros des animaux, hein. Et puis, le composant numéro un, et c'est celui sur lequel on se focalise, c'est ce qu'on appelle des coccolithophores ou coccolithophoridés. Ce sont des algues unicellulaires qui font des plaquettes de calcite. Alors c'est des superbes biominéraux, très réguliers, c'est superbe. Et puis ces minéraux sont formés à l'intérieur de ces cellules d'algues et contribuent à la formation des sédiments. Une fois qu'on a ces fossiles, on fait des mesures géochimiques dessus principalement. Donc on mesure des rapports isotopiques, par exemple celui qui est très connu c'est le rapport entre l'oxygène lourd, l'oxygène 18 et l'oxygène 16 qui est un marqueur de température, hein. Et on peut faire ça soit sur les foraminifères, soit sur les coccolithes, sauf que isoler les coccolithes qui font de l'ordre de quelques microns c'est vraiment compliqué, donc on a développé un protocole depuis maintenant plus de 10 ans qui permet à partir d'un sédiment tout à fait standard d'avoir le signal de ces coccolithes. Alors les coccolithes c'est important parce que contrairement aux foraminifères, c'est des algues, donc ils ont besoin de lumière, donc ils vivent vraiment dans les premiers mètres, premières dizaines de mètres de l'océan. Or c'est vraiment cette masse d'eau très superficielle qui a un rôle majeur dans les échanges de chaleur, la production de vapeur d'eau, les peuplements biologiques, donc c'est vraiment la masse d'eau qu'il faut arriver à caractériser. Et les foraminifères le font bien, mais les coccolithes, c'est mieux. Voilà. Donc on a développé vraiment ce protocole, il y a eu beaucoup d'énergie dépensée là-dedans. Et il y a eu aussi tout un aspect de travail avec des biologistes, puisque ces minéraux sont produits à l'intérieur de cellules, et il y a une empreinte biologique à l'enregistrement de la température. Donc il a fallu comprendre comment fonctionnaient les cellules, donc c'est assez finalement contre-intuitif hein, pour faire de la paléoclimatologie. Il a fallu comprendre comment ces cellules fonctionnaient pour savoir comment elles enregistraient les paramètres de l'environnement et comment, du coup, on pouvait les retranscrire et les évaluer pour le passé. Alors, quels résultats, justement, vous avez pu obtenir grâce à l'étude de ces coccolithophores et qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur, justement, cette période un peu compliquée pour comprendre la mise en glace de l'Antarctique ? Déjà, pourquoi est-ce que cette période de mise en glace de l'Antarctique, c'est une période compliquée pour nous qui analysons les sédiments ? Tout d'abord, il faut savoir que le climat terrestre, il oscille entre deux extrêmes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le monde à effet de serre, hein, c'est en greenhouse en anglais. Et c'est une période où il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, donc beaucoup d'effets de serre. Les températures sont relativement hautes, mais après, il reste à les évaluer précisément. Et il n'y a pas de glace au pôle, à aucun des deux pôles. À l'inverse, et c'est le climat actuel, c'est le stade ice house, donc les températures sont plus faibles, la quantité de CO2 dans l'atmosphère est plus faible elle aussi, et il y a des glaces aux deux pôles. Et la mise en place de l'Antarctique, ça a été vraiment le point de bascule entre la dernière période greenhouse du début de l'ère tertiaire et le début de la période ice house qu'on connaît actuellement. Et le problème pour nous géologues, c'est que s'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, l'océan est globalement plus acide que dans l'actuel. Et comme on étudie des particules carbonatées, ben elles sont dissoutes, recristallisées. Et c'est notamment le cas des foraminifères. Donc c'est pour ça que les marqueurs basés sur les foraminifères sont relativement imprécis, voire inopérants pendant les périodes à fort effet de serre. Donc on ne peut pas réellement étudier les foraminifères comme on le ferait dans l'actuel ou pour le quaternaire. On ne peut pas l'étudier pour les périodes greenhouse. Donc c'est ça qui a été vraiment la motivation initiale de tout notre travail, c'est de pouvoir reconstituer des climats, mais sur finalement l'ensemble des périodes terrestres, donc l'ensemble des climats. L'autre point de départ, d'une certaine manière, ça a été qu'il y avait une incompréhension sur la cause et la conséquence de la mise en glace. On sait que les pôles se refroidissent, c'est bien pour ça qu'il y a de la glace, donc ça c'est parfaitement établi. On sait que finalement, sur le long terme, la quantité de CO2 diminue, donc l'effet de serre diminue, donc c'est pour ça aussi que la Terre se refroidit, mais le déclencheur était finalement mal contraint, et il y a deux possibilités, c'est soit que le CO2 diminue et c'est le seul facteur forçant, et donc la Terre se refroidit en globalité des hautes latitudes des pôles jusqu'aux basses latitudes vers la ceinture intertropicale, ou bien c'est plutôt l'ouverture de seuils océaniques qui crée des changements dans les circulations océaniques, et notamment qui permet à un courant circulaire autour de l'Antarctique de se mettre en place, et donc d'empêcher la chaleur qui est reçue à l'équateur de transiter jusqu'au pôle. Donc il y avait deux possibilités, et finalement, et c'est un petit peu contre-intuitif, on a étudié l'équateur pour comprendre ce qui se passait autour de l'Antarctique. Et on a mis en évidence par l'étude des coccolithes et la compréhension de tout ce qui se passe à l'intérieur des cellules que y avait une phase de réchauffement de l'équateur qui précédait la mise en glace permanente de l'Antarctique. Le but ultime de tous ces travaux, bon, c'est bien sûr connaître l'évolution climatique de la Terre, mais c'est aussi arriver à réconcilier le monde des marqueurs et le monde des modèles numériques pour être assuré que les modèles numériques permettent, quelles que soient les conditions de l'environnement, de retrouver la réalité environnementale. Et ça a un impact très clair sur la compréhension du climat futur, de l'anthropocène, puisqu'on a des pressions de CO2 qui vont augmenter, malheureusement, et ça permettra d'anticiper l'évolution de la Terre. Voilà le reportage du jour sur cette histoire de l'englacement. L'englacement, l'englaçage, englacement. L'englacement. Hein, c'est mieux. Englaçage, ça fait un peu trop gâteau. Oui. Catherine Ritz, un mot sur ce reportage que vous venez d'entendre. Oui, alors effectivement, c'est très intéressant. Je connaissais pas le détail sur le réchauffement à l'équateur. C'est assez logique de se dire que pour une quantité de chaleur donnée, si le courant circumpolaire empêche cette chaleur de descendre vers l'Antarctique. Et ça peut aider le froid, le tout superposé à une baisse du CO2 pendant ce temps-là, ça peut aider à faire un germe de départ de l'Antarctique. Et c'est vrai que les modélisateurs de l'évolution des calottes polaires ont aussi essayé de faire pousser des Antarctiques à cette époque-là. Et ça reste encore débattu de savoir quel est si c'est l'association des deux processus, si un seul suffisait ou. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça, comme le disait votre intervenant, c'est en testant les modèles dans des conditions franchement différentes qu'on peut vérifier qu'on a bien tout compris. Yann Roland, votre sentiment vis-à-vis de ce reportage ? Bah écoutez, c'est pareil, je découvre cette étude dans le détail, je ne la connaissais pas dans le détail. On se rend compte en fait quand on travaille sur ces transitions que c'est extrêmement complexe en fait, hein, les processus qui mènent à des englacements ou à, au contraire des réchauffements importants qui vont déglacer. Et il y a notamment un facteur très très important aussi qui est celui donc dans l'abaissement des teneurs en CO2, qui est celui de l'érosion des reliefs, parce que 40 millions d'années, c'est aussi le moment où se construisent les grandes chaînes de montagnes, donc l'Himalaya, les Alpes, etc. Et c'est au travers aussi de ces grands, de ces grandes chaînes de montagnes, les processus qui ont cours, notamment d'érosion des silicates, qu'on va avoir un puits de CO2 très important et qui donc va aussi contribuer à l'abaissement des températures. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses qui se conjuguent et ensuite pour la petite goutte d'eau qui va déclencher les choses, c'est effectivement très complexe. Mr. Iceberg a sur l'épaule nord une petite boucle d'or, et sur l'épaule sud une grande solitude. Mr. Iceberg hausse l'épaule nord pour secouer la fille qui dort, puis hausse l'épaule sud comme à l'habitude. Mr. Iceberg, Mr. Iceberg, Mr. Iceberg aime l'amour on the rocks. Mr. Iceberg, Mr. Iceberg, Mr. Iceberg aime les petites filles en socks. Mr. Iceberg a sur l'épaule nord sud comme un interlude. Mr. Iceberg hausse l'épaule nord pour rayer son disque d'or, et son épaule sud esquisse un prélude. Mr. Iceberg, Mr. Iceberg, Mr. Iceberg aime l'amour on the rocks. Mr. Iceberg, Mr. Iceberg, Mr. Iceberg aime les petites filles en socks. Mr. Iceberg a sur l'épaule nord une petite qui dit encore, et sur l'épaule sud un peu de lassitude. Mr. Iceberg hausse l'épaule nord pour lui faire voir qu'il est mort, puis hausse l'épaule sud, c'est son attitude. Mr. Iceberg, Mr. Iceberg, Mr. Iceberg aime l'amour on the rocks. Mr. Iceberg de Serge Gainsbourg, c'était la face B de Sea, Sex and Sud en 1978. On avait un grand débat pour savoir de quelle époque de Gainsbourg sortait cette chanson. Voilà, vous voilà renseignés, puisque nous parlons d'iceberg entre autres, nous parlons de l'Antarctique surtout, tout au long de cette heure, en compagnie de Catherine Ritz, qui est avec nous à la Maison de la Radio à Paris, qui est glaciologue, directrice de recherche CNRS à l'Institut des Géosciences de l'Environnement de l'Université Grenoble-Alpes, et avec Yann Roland, qui est en ligne avec nous depuis Chambéry, qui est maître de conférence à l'Université de Savoie et chercheur au laboratoire Editem pour environnement, dynamique, territoires et montagnes. Alors, maintenant qu'on a un peu fait le tour du propriétaire, en quelque sorte, de ce vaste continent de glace, on va s'intéresser un peu à la façon dont il réagit au réchauffement climatique et au bouleversement de tout l'écosystème planétaire. Un mot, donc, je parlais tout à l'heure de cette étude qui indiquait que la fonte des glaces était 6 fois supérieure aujourd'hui à ce qu'elle n'était il y a 50 ans. Les chiffres sont les suivants. 40 milliards de tonnes par an dans les années 80, 252 milliards en 2017. Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre cette fonte des glaces et le réchauffement climatique, Catherine Ritz, ou est-ce que c'est juste une corrélation? C'est une question impossible à poser à un glaciologue. On n'est pas complètement sûr que ça soit entièrement dû au réchauffement climatique. Au réchauffement global, mais quand même, il y a pas mal d'indications. Alors, cette perte de glace se fait essentiellement parce que des glaciers ont accéléré et on envoyait plus de glace vers l'océan. Et la raison pour laquelle ils ont accéléré, alors c'est sûr, ça se passe surtout en Antarctique de l'Ouest. La raison pour laquelle ils ont accéléré, c'est parce qu'ils étaient, les glaciers, en se mettant à flotter sur la mer, ça fait des plateformes qui... Elles sont parfois très très importantes, hein, parfois de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Voilà. Mais là, c'était des plus petites et elles touchaient sur les bords et du coup, ça freinait les glaciers. Et apparemment, le réchauffement océanique, c'est pas tellement le réchauffement de l'atmosphère, le réchauffement océanique a aminci ces plateformes qui du coup se sont plus facilement cassées, le frottement a diminué et les glaciers se sont mis à accélérer. Et ça, comme en Antarctique de l'Ouest, le socle est franchement en dessous du niveau de la mer et même... Le socle continental. Le socle continental est franchement en dessous du niveau de la mer. Cette situation mécaniquement est instable et donc ça peut il y a un cercle vicieux de recul de l'endroit où les glaciers se mettent à flotter et on pense que un des deux glaciers qui ont fait perdre le plus de masse est déjà parti dans cette instabilité. C'est le glacier de Pine Island. D'accord. Et l'autre glacier, le glacier de Thwaites, il y a de plus en plus de résultats qui montrent que c'est le cas aussi, que ce glacier est parti dans cette instabilité. Et à vrai dire, les simulations montrent que même avec le climat actuel, c'est tout à fait possible qu'il continue à reculer. Et ce glacier a la capacité de vider la moitié de l'Antarctique de l'Ouest. C'est ça, le glacier de Thwaites, il est décrit comme le plus dangereux glacier du monde. Oui. Pourquoi ? Ah oui, il peut à terme... provoquer 2 mètres de hausse du niveau des mers. À lui seul. À lui seul. En déclenchant ce qui se passe derrière, en amont. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu quelle est la mécanique justement derrière ce plus dangereux glacier du monde. Pourquoi est-ce que c'est celui-là plutôt que les autres? Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce glacier, il est le socle à l'intérieur de l'Antarctique de l'Ouest et 2000 mètres en dessous du niveau de la mer. Même quand il n'y avait pas de glace, il était quand même en dessous du niveau de la mer. C'est la glace qui s'est avancé dessus. Qui a coulé à sa surface, voilà, jusqu'à former... Et qui a fini par faire une calotte glaciaire. Ce type de calotte glaciaire est instable. Ce qui se passe, c'est que l'endroit où la glace se met à flotter, qu'on appelle la ligne d'échouage, la quantité de glace qui passe à cette ligne d'échouage dépend de l'épaisseur. Mais elle dépend d'une façon très importante de l'épaisseur, à la puissance 6, quelque chose comme ça. Donc si, parce que le glacier est déstabilisé par la fonte de l'ice shelf qui lui fait suite, si cette ligne recule un petit peu, le flux va être, comme l'épaisseur de glace est encore plus grande en reculant, le flux va être encore plus grand. Et du coup, ça va encore plus accélérer et vider littéralement la calotte glaciaire. Et ça va s'emballer jusqu'à rencontrer un socle qui remonte. Mais il se trouve que celui-là... ce glacier-là, il faut faire des centaines de kilomètres avant de trouver un socle qui remonte. Un socle continental. Et en fait, c'est quasiment la moitié de l'Antarctique de l'Ouest qui peut partir. Il y a d'autres glaciers qui peuvent potentiellement faire ça, même en Antarctique de l'Est, à vrai dire. Le glacier Totten et le qui est près de la base australienne. Et dans l'article que vous mentionnez, effectivement, ils ont l'air d'indiquer que le glacier Totten aurait un comportement de ce type, commencerait à avoir une accélération. Et il y a aussi les trois glaciers qui sont à côté du glacier Mertz, dont parlait Yann tout à l'heure, Mertz, Ninis et Cook, qui aussi pourraient ont en amont un grand bassin sous glaciaire qui fait que ça les rend dangereux. Mais Thwaites est le plus rapidement dangereux, mais quand je dis rapidement, c'est là où on est en désaccord les uns avec les autres. Il y en a qui disent c'est pour le siècle prochain, il y en a qui disent ça va prendre un millénaire. Mais on est tous d'accord que dans 2000 ans, c'est carrément, la situation sera vraiment différente. Yann Roland, à ce propos justement sur la fonte des glaciers antarctiques, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de dépasser le stade de la corrélation et de dire aujourd'hui il y a un lien de causalité entre le changement climatique, le réchauffement climatique, qui soit d'ailleurs celui de l'atmosphère ou de l'océan, hein, qui est une conséquence vraisemblable du changement, de l'augmentation anthropique des températures, et la fonte des glaciers. Pourquoi c'est compliqué de faire ce lien ? En effet, il est difficile, disons, de le faire. Bon, après, sur de longues échelles de temps, la réponse que peuvent avoir les glaciers, disons, elle va être, fonction de pas mal de facteurs. Dont notamment les précipitations, etc. Donc, ça vous devez avoir un appel. serait probablement plus à même de répondre à ce genre de questions, parce que bon, moi je travaille plutôt à l'échelle des dizaines de millions d'années, donc c'est un peu plus difficile. Mais effectivement, on n'a pas que le paramètre température qui va jouer. Et comme le disait Catherine, notamment la géométrie du socle qui est sous les glaciers va être un facteur important pour caractériser l'écoulement des glaciers. Catherine Ritz, pourquoi c'est si compliqué d'établir un lien de causalité qui peut paraître évident de l'extérieur, mais encore une fois, l'extérieur n'est pas scientifique, donc. Alors c'est un peu la différence entre la météo et le climat, sauf que pour les glaciers, c'est beaucoup plus lent quand même. Et du coup, ce qu'on observe actuellement, on ne sait pas si c'est... On n'est pas complètement sûr que ça soit significatif en termes d'évolution. Peut-être que les glaciers ont des accès comme ça d'accélération et de ralentissement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas énormément de... On n'a pas des données sur une grande durée. On a des vraies données qu'on peut utiliser pour mieux quantifier les choses que depuis qu'il y a des satellites. Et ça veut dire 20-30 ans. Donc, en 20-30 ans, on a du mal à voir si les évolutions sont sur la durée ou pas. C'est vraiment la grande question. Plus on va avancer dans le temps et plus on aura de certitude parce qu'on aura plus de données, une plus grande durée de données. Et c'est un... On pense vraiment que ce qui se passe actuellement, ça a été... des masses d'eau chaude, enfin du fond des océans, qui sont relativement chaudes par rapport à la glace, qui ont provoqué la fonte des parties flottantes. On a un peu l'intuition que ça doit se raccorder au changement climatique, mais les modélisations de l'océan sont très compliquées à faire dans ces régions-là, parce qu'il n'y a pas énormément de données. Parce que on n'a même pas bien la bathymétrie, c'est-à-dire la profondeur de l'eau partout. Et puis il y a une question de résolution. C'est des phénomènes qui se passent à toute petite échelle. Et les modèles océaniques n'ont pas toujours cette toute petite échelle pour les résoudre. Et même les modèles de glace, on s'est aperçu qu'on arrivait à résoudre ce genre de choses qu'en regardant à des échelles juste à la ligne d'échouage. Il faut regarder à des échelles de 200 mètres. Horizontale. On ne peut pas se permettre de traiter l'ensemble de l'Antarctique avec une résolution de 200 mètres. Et du coup, c'est un progrès qui a été fait dans les 10 dernières années. Mais avant ça, on ne savait pas faire, en fait. On va vous renvoyer à l'émission qui expliquait très bien la complexité de ces modèles d'études océanographiques, l'émission que nous avions consacrée au courant marin. Il y a pourtant des scénarios, hein, Catherine Ritz, qui ont été faits, des scénarios par des chercheurs de l'Imperial College de Londres, donc qui sont a priori pas des chercheurs tout à fait saugrenus, alors peut-être que ce sont des scénarios alarmistes, mais qui montrent que à 3 degrés et demi de moyenne par rapport à 1850, c'est 25 cm d'élévation globale du niveau de la mer liée à la fonte des glaciers. Ah oui, enfin entre le Groenland et l'Antarctique, de toute façon les projections les plus probables pour l'Antarctique, pour la contribution de l'Antarctique, c'est un article qui va sortir incessamment sous peu, et c'est 14-15 cm. 14-15 cm pour l'Antarctique. À l'horizon de. À l'horizon 2100. D'accord. Et. Ce qui est de moyenne, hein, donc il faut imaginer que tout ça. Alors voilà, le problème, c'est que c'est pas une moyenne. Le problème, c'est que les probabilités qu'on a sur ce genre de choses, c'est pas du tout, ça répond pas du tout avec une courbe en cloche comme on a l'habitude. En fait, le plus probable, c'est 14-15 cm, mais on peut pas exclure des grandes contributions qui sont moins, beaucoup moins probables, mais on peut pas les exclure. En fait, c'est des formes de probabilité, enfin de qui sont extrêmement différentes de la courbe en cloche. Et du coup, ça rend, c'est quelque chose dont on a pris conscience que relativement récemment, et ça rend toutes les projections beaucoup plus compliquées à expliquer. Maintenant, on préfère expliquer que il y a seulement 5% de risque qu'on dépasse 43 cm venant de l'Antarctique. Mais 43 cm, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Ça veut dire qu'on dit adieu aux îles du Pacifique. Ça veut dire que. Mais le plus probable, c'est 15. Vous voyez, donc en fait, c'est un aspect qui est compliqué à faire passer et il y a eu beaucoup d'articles qui étaient très alarmistes justement à cause de cette façon de prendre la moyenne et l'écart type et qui en fait sont à nuancer. Après, ça dépend complètement de l'aversion au risque des gens qui sont sur les côtes. Yann Roland, à l'échelle justement, à l'échelle géologique, on l'a dit tout à l'heure, finalement, l'Antarctique étant glacée depuis assez peu de temps, donc on sait à quoi ressemble à peu près la surface de notre globe, même avec une distribution différente des masses continentales, avec zéro calotte glaciaire. Avec zéro calotte glaciaire, donc avant la mise en place de l'Antarctique, c'est ça la question. C'est ça, et de l'Arctique, enfin des deux, finalement. Quelle configuration par rapport au ratio continent masse océanique. Ah d'accord. Voilà. C'est ça. Là en fait sans l'Antarctique, sans la calotte antarctique, disons que le continent n'avait pas subi ce qu'on appelle la subsidence, qui se fait en réponse au poids de glace. Donc, on en déduit que l'altitude moyenne de l'Antarctique devait être comparable à celle de l'Australie, si vous voulez, juste avant la mise en place de la calotte. Donc, on avait une proportion de terre émergée, du coup, qui était comparable. Après, bien sûr, toute l'eau stockée donc dans la calotte antarctique, du coup. N'était pas présente, tout l'eau stockée était en fait présente dans l'océan, et du coup on avait une hauteur supérieure à de l'ordre de 150 mètres à peu près par rapport au niveau marin actuel. Donc du coup il y avait forcément une emprise marine importante sur les marges continentales à l'échelle globale. Les lignes de côte étaient très très à l'intérieur des terres, et donc si on reprend par exemple les cartes géologiques pour la France et l'Europe, on a disons des dépôts marins jusqu'à Paris, etc. Pour cette époque qui précède la mise en place de l'Antarctique par exemple. Un mot peut-être, Catherine Ries, puisque vous revenez tout juste, vous étiez à Concordia et à Dumont-d'Urville il y a quelques jours encore. À Dumont-d'Urville il y a trois semaines. Oui, le temps de reprendre l'Astrolabe et de regagner Hobart. Peut-être un mot aussi, puisqu'il y a beaucoup, à Dumont-d'Urville, il y a beaucoup de travaux en ornithologie, alors vraiment juste en quelques mots, mais il y a quelques travaux aujourd'hui qui montrent que l'Antarctique, malgré la protection du courant circumpolaire, quand même, eh bien, il y a des plastiques qui arrivent, il y a des polluants qui arrivent, notamment des perturbateurs endocriniens qui sont étudiés sur les populations d'oiseaux marins qui sont en bout de chaîne alimentaire. Oui, alors sur les polluants, je n'ai pas vraiment d'idée. C'est clair que y a, malgré le courant circumpolaire, il y a des pollutions qui arrivent à passer et que la biologie est affectée par le changement climatique. Et rien que les changements de glace de mer d'une année sur l'autre, les populations de manchots, il y a eu des années où les populations de manchots ont eu zéro succès de reproduction. L'année dernière, notamment les manchots à Delhi. Ouais, il y a 5 ans, les manchots à Delhi, il y avait plus aucun manchot quand je suis revenu à Dumont-d'Urville parce que aucun poussin n'avait survécu. La glace de mer était trop loin et il y avait eu 2 jours de pluie qui sont mortels pour les poussins qui sont pas étanches. Oui, et puis il y a une étude assez récente qui dit que les manchots adélie, l'espèce endémique et un peu symbolique de l'Antarctique, pourrait elle-même être en danger. Peut-être un mot également, Catherine Ries, pour conclure aujourd'hui. Quels sont les travaux justement de glaciologie qui sont en cours à Concordia? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui dans l'étude de ces carottes? Je crois qu'à côté de Concordia, on a trouvé un lieu d'exploration en glaciologie très profond qui devrait nous permettre justement d'un peu mieux modéliser le paléoclimat. Oui, alors un des challenges des gens qui font des carottes de glace, c'est de remonter à 1,5 million d'années, parce qu'il s'est passé quelque chose il y a 1,2 million d'années. Ce qui s'est passé, c'est que le cycle entre période glaciaire et période interglaciaire, qui est actuellement de 100 000 ans, était avant ce changement, était de 40 000 ans. Et on ne sait pas très bien pourquoi. On a des suspects, le CO2, l'insolation, mais on n'a pas de données sur le CO2 au cours du temps suffisamment détaillées pour pouvoir trancher entre les hypothèses. Donc, toute la communauté des carottes de glace, un des grands challenges, c'est de trouver des endroits où la glace aurait 1,5 million d'années. Il se trouve que autour de Concordia, Nos critères pour obtenir ça, c'est avoir peu d'accumulation dans les régions centrales pour pas être gêné par l'écoulement, et puis que ça fasse pas de bourrelets au fond, enfin de perturbations au fond. Et finalement, on est arrivé à la conclusion que à Concordia même, c'était un peu trop épais, mais qu'il fallait chercher s'il y avait pas une petite montagne bien plate. Une montagne plate, déjà, c'est pas super facile à trouver. Et dans les environs. Et après, on a donc fait, alors ça c'est dans une coopération internationale américaine, australienne et européenne, il y a eu des vols avions qui ont mesuré le socle rocheux et les couches, parce que dans la glace, par radar, on voit des couches internes qui sont des horizons de même âge, qui sont provoqués vraisemblablement par les volcans. Et donc on a fait une carte des environs, on a trouvé un endroit qui nous paraissait bien, qu'on a appelé Little Domesay. Le petit Domesay. Parce que c'est pas très loin du Domesay où est Concordia. Et puis c'est un petit dôme aussi, c'est un dôme, c'est une épaule si on veut, mais qui est seulement 2 mètres en dessous. Et puis ensuite on a fait des mesures avec un radar au sol qui permettait une encore meilleure définition. Et on a fini par trouver 2 petites taches qui nous paraissent vraiment bien. Et donc, il va sans doute y avoir un forage glaciaire à cet endroit-là. Ça va mettre 4-5 ans. Hein. Mais on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus nous parler de ce continent antarctique. Merci, Catherine Ritz. Merci beaucoup, Yann Roland. On fait un petit clin d'œil à nos camarades de l'Institut Polaire, l'Institut Polémique Victor, qui gère toutes les missions scientifiques en Antarctique. Et puis un mot pour vous dire que si vous êtes curieux de l'Antarctique, eh bien, il va falloir patienter jusqu'à cet été pour écouter la série documentaire que j'ai la chance de pouvoir aller tourner en décembre dernier, justement à la station Dumont-d'Urville. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Éléonore Pérez, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous aborderons un dossier que l'on peut qualifier d'un petit peu sensible en ce moment dans notre pays. Il sera question du glyphosate. Pourquoi tant de désaccords après le documentaire qui a été diffusé sur France 2? Pourquoi ne peut-on trouver un consensus scientifique sur la question de ce pesticide de Monsanto? Quelle solution pour en sortir? On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.